Othello, vous allez quitter cette chambre et nous suivre. Votre pouvoir, votre commandement vous sont enlevés. Et c'est Cassio qui gouverne à Chypre. Quant à ce gueux, s'il est quelque savant supplice qui puisse le torturer en le laissant vivre longtemps, il lui est réservé. Vous, Othello, vous resterez prisonnier jusqu'à ce que la nature de votre faute soit connue du Sénat de Venise. Allons, qu'on l'emmène. Doucement, vous. Un mot ou deux avant que vous partiez. J'ai rendu à l'État quelques services, on le sait. N'en parlons plus. Je vous en prie, dans vos lettres, quand vous raconterez ces faits lamentables, parlez de moi tel que je suis. N'atténuez rien, mais n'aggravez rien. Alors, vous aurez à parler d'un homme qui a aimé sans sagesse, mais qui n'a que trop aimé. D'un homme peu accessible à la jalousie, mais qui, une fois travaillé par elle, a été entraîné jusqu'au bout. D'un homme dont la main, comme celle du juif immonde, a jeté au loin une perle plus riche que toute sa tribu. D'un homme dont les yeux vaincus, quoique inaccoutumés à l'attendrissement, versent des larmes aussi abondamment que les arbres arabes leur gomme salutaire. Racontez cela, et dites à nous qu'une fois, dans Alep, voyant un Turc, un mécréant en turban, battre un Vénitien et insulter l'État, je saisis ce chêne circoncis à la gorge et le frappai ainsi. Il se perd de son épée. Ça fait sens sur Desdemona. Je t'ai embrassé avant de te tuer. Il ne me restait plus qu'à me tuer pour mourir sur un baiser. Il expire en l'embrassant. Lodovic Iago. Ô limier de Sparte, plus féroce que l'angoisse, la faim ou la mer, regarde le fardeau tragique de ce lit. Voilà ton œuvre. Ce spectacle empoisonne la vue. Qu'on le voile. On tire les rideaux sur le lit. Et vous, Graciano, noble Vénitien, gardez la maison et saisissez-vous du bien du mort, car vous en héritez. Quant à vous, Cassio, seigneur gouverneur, il revient le châtiment de cet infernal scélérat. Décidez l'heure, le lieu, le supplice. Oh, qu'il soit terrible. Quant à moi, je m'embarque à l'estang et je vais au Sénat raconter, le cœur accablé, cette accablante aventure.